Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ça critique les foules. Je regarde avec toi, foule, le rapport que tu as avec la musique, puisque j'aime te voir en spectacle où ça se bardasse, où ça s'amuse, où ça danse. Et des fois aussi, ben, t'es assis pis t'es bien tranquille. Puisque cette semaine, oui, il y aura un peu de tout ça. Ouais, c'est un bon spécial franco. J'espère t'avoir vu la binette sous la tente de CISM durant la série En Marge ou durant nos micros en direct des Franco. Mais sinon, écoute, j'ai eu l'occasion de voir de bons spectacles variés. J'ai un bon topo très, très rock avec les Bagnards, le Nombre, les Breastfeeders. Pour ceux qui écoutent l'émission, oui, le Nombre, j'étais très, très, très excitée de les voir en spectacle, les Breastfeeders que j'aime toujours autant. Est-ce que j'aime toujours autant leur foule? C'est à suivre. Sinon, ben écoute, pour une belle découverte avec les Bagnards, je n'avais jamais vu en show. Et sinon, ben là, dans un tout autre ordre d'idées, mais oui, je suis allée voir le spectacle du 50e anniversaire de décès d'André Mathieu. Ça se passait à la Maison Symphonique. Et j'ai vécu de très belles émotions et d'autres qui vraiment me laissent avec de très mauvaises frissons qui parsèment tout mon corps. Alors, c'est bien à suivre. Pour cette merveilleuse émission, on va commencer tout de suite en musique avec Volleyball de plage, le projet de Hugo Boursier. Il en a mis les uns, mais entre autres, Volleyball de plage. Et il nous a sorti quelques nouvelles chansons sur un EP qui s'appelle Ligue des cactus. Allons entendre Métamorphose. J'essaie de voir en chaque jour une chance de métamorphose. J'aimerais laisser mon propre corps à rouiller dans l'après-midi. Les pluies acides rangeraient mes vieilles maladies. Je le sens vibrer sous ma peau, je le sens vibrer dans mes os. Un appel à laisser derrière ma carapace et ma chair pour chercher la lumière. Jamais trop tard, jamais trop tôt. Pour cesser l'intoxication, mais je n'ai pas la force qu'il faut. J'ai le sang vibré sous ma peau, j'ai le sang vibré dans mes os. Pour chercher la lumière. volleyball de plage sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson Métamorphose qui se retrouve sur Ligue des Cactus et vous écoutez Critique de Crowd. Ah, c'est spécial! Ben oui, parce que j'aime bien dire que toutes les émissions de Critique de Crowd sont spéciales. Et il y a en même temps des spéciales à chaque année, mettons. Et oui, il y aura des... il y aura toujours un spécial franco à Critique de Crowd à chaque année. Quel merveilleux festival qui fêtait cette année son 30e anniversaire. Année aussi marquante pour nous, cœur de rockeur, qui peut-être pouvait être triste que la scène rock était délogée par la musique urbaine. Et oui, les scènes ont quand même un peu bougé, je trouve, par rapport à l'année dernière et aux précédentes éditions. Mais bref, la scène après la scène centrale, la deuxième plus grosse scène était celle du hip-hop. Et pour le mieux, parce qu'effectivement, un sixième de la programmation était dédiée à ce genre musical. Alors, je trouve aussi que c'était tout à fait légitime. Mais reste que c'est ça, le rock était un peu dans son raccoin. Mais pas tant. Non, je trouve qu'il y a... Les gens étaient au rendez-vous. Ça me fait bien plaisir déjà à vous dire qu'il y avait de la crowd durant les Brest et le nombre. Mais avant, je trouve qu'en ce 30e anniversaire des Franco, ben il y avait aussi d'autres anniversaires. Je pense entre autres au 30e anniversaire de Pauline Julien, 30e anniversaire de décès, sinon... Oh mon Dieu, c'était pile, je pense, c'est-tu contre son 90e anniversaire de naissance? Enfin, déchiffrons, l'anniversaire aussi de d'autres chiffrons pour TTC. Écoute, des fêtes, en veux-tu, en v'là? Et il y avait, comme je vous ai dit en début d'émission, l'anniversaire, beaucoup plus triste, une commémoration devrait donc mieux dire, 50e décès de l'auteur, compositeur et interprète. Non, ça, je pourrais pas confirmer. Et là, déjà, je sais que je suis en train de vous surprendre en parlant d'André Mathieu comme un auteur. Mais oui, ça pourrait peut-être être surprenant pour certains que le grand compositeur considéré comme le Mozart du Québec soit au Franco. Je veux dire, il est connu pour ses compositions et non pour ses chansons. Ben oui, il a composé des chansons. À chaque fois qu'il tombait en amour, ben il écrivait une chanson pour la fille. On pourrait plutôt dire poésie qui était mise en musique. Ouais, dans ces eaux-là, tant qu'il y a de la parole, tant qu'il y a de la mélodie, on peut appeler ça une chanson. Et je crois que c'est assez exclusif durant ce spectacle-là qu'on a pu les entendre. Ils ont été chantés, puis pas par n'importe qui, Diane Dufresne, Florence K, Catherine Major. Ça a été là-dessus un très grand moment. Encore plus parce que c'était la toute première montréalaise du concerto romantique, la version originale du mythique concerto de Québec. Alors oui, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette même soirée à la Maison symphonique. Personnellement, c'était la première fois que j'y allais, alors c'était déjà une découverte, si on veut. T'sais, on passe souvent devant avec la place des festivals et comment c'est grand aussi. Toutes ces salles rassemblées en si peu d'espace quand même. Je trouve ça toujours surprenant, la place des festivals et la place des arts. Mais bref, tous ceux qui, comme moi, s'en rappelaient vaguement depuis l'inauguration en 2011, c'est une capacité de 2100 places et ça te frappe direct en partant quand tu rentres. C'est fait en bois, mais pas n'importe lequel. Il y a 70% de la surface de la salle qui est recouverte de bois d'être de l'Outaouais. J'espère que tu apprécies cette affirmation. Moi, en tout cas, ça fait de la différence parce que quand tu rentres, c'est vrai que t'as un peu d'impression. Et l'animateur, si je peux l'appeler ainsi, Marc Labrèche, durant la soirée, va faire souvent le running gag comme quoi on est accueilli dans son humble chalet. Mais c'est vrai que c'est un peu ça que tu penses sur le coup. Pas que t'es dans le chalet de Marc Labrèche, mais que t'es un peu dans un chalet. C'est très boisé, la Maison symphonique. Et aussi, très étonnamment, pour 2100 places, je trouve ça assez fou qu'on sente autant un sentiment de proximité avec l'orchestre, mais aussi avec toute la salle. Je veux dire, à 2000 places, je devrais avoir une sensation de grandeur, mais inversement, je trouvais que j'avais une impression de petitesse. J'ai la misère à me l'expliquer. Ça doit être justement la disposition de la salle qui fait quand même un 360 parce qu'il y a des gens qui peuvent s'installer sur tous les côtés et même derrière l'orchestre. Ça, c'est quand même drôle parce que... Les retardataires. Tu es assez démasqué facile quand tu es derrière l'orchestre. C'est comme, tu peux pas être subtil, ça finit là. Et t'es zéro subtil tout le long, hein. Il y en avait un, il y avait les jambes toutes évachées, tu sais. Il était un petit peu écrasé sur son siège. Puis je veux dire, j'étais concentrée sur la musique, sur l'orchestre. Mais en même temps, je voyais juste le gars évaché, tu sais. Comme clairement, il était concentré parce qu'il bougeait pas. Mais en même temps, t'avais tellement la position la plus décontractée pour regarder le spectacle. Et il avait pas tort. C'est... Je sais pas comment c'est d'habitude. Comme je vous dis, c'était ma première fois à la Maison symphonique et devant un orchestre aussi. Et c'était d'une ambiance décontractée. C'est vraiment le mot. Déjà, juste l'habillement des gens, mais comme vous voyez aussi, l'attitude, c'était... Ouais, très habillé façon civile, très tranquille, on est mollo, ça sent l'été. pour une journée aussi spéciale, je pensais que ça allait être un peu plus officiel, mais pas tant que ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un tout, parce que dans le spectacle aussi, il y avait cet aspect décontracté, particulièrement avec tous les commentaires et les lectures que Marc Labrèche va faire durant le spectacle. Il en parle de façon très... C'est très bon vivant aussi, c'est chaleureux, c'est sans façon, c'est très simpliste. Il s'adresse à nous un peu comme il s'adresserait à des amis, mais de façon un peu plus officielle, parce que c'est quand même le 50e anniversaire de décès d'André Mathieu. Mais reste qu'il y a eu plusieurs fois, à vrai dire, à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois, ça riait. Mais faut dire aussi que ses commentaires étaient sincèrement drôles, déjà quand il a dit « Bienvenue dans mon homme chalet », tu sais, sorry de bon cœur. C'était vraiment pas un rire retenu, là, un peu fancy, là. Tu sais, pour donner l'intention que tu sais que t'as ri, mais en même temps, tu trouves que ça fait peut-être un peu familier de rire. Rire un peu gras. Mais non, là, c'était juste de... Avec beaucoup de franchise, le rire, et ça, c'était pas ni mal vu, et vraiment, ça l'avait complètement sa place avec le spectacle et aussi avec l'ambiance qu'il y avait dans la foule. Fait que là-dessus, je trouvais ça vraiment beau comme moment. Et quand je vous dis qu'il faisait familier, c'est dans ses commentaires, littéralement, parce qu'il a commencé à présenter l'orchestre et le maestro, il a dit « Ah, oh, le maestro, c'est mon cousin, puis toute l'orchestre, c'est mes cousins-cousines. Vous auriez dû imaginer la chasse au coco de Pâques à Pâques, puis là, ha, ha, ha, ça rit. C'est vrai, c'est un peu surprenant. On s'attendait pas nécessairement à ce genre de commentaires-là avec une soirée qui aurait pu être grave, parce que, là, je dis anniversaire, c'est sûrement pour adoucir la chose, parce qu'on le sait, la mort d'André Mathieu est tellement terrible, tu sais, complètement oubliée. C'est d'une tristesse profonde, comment... Ouais, oublié du public, mais aussi comment il était déchu lui-même. Fait que c'est quand même... Ça pourrait être extrêmement lourd comme show, puis ça a été vraiment l'inverse. Entre autres, en partageant des écrits qu'il a fait, oui, en plus de ses chansons, mais... Ça parlait du fait qu'il était très patriote, André Mathieu. Puis, dès qu'il y a eu le mot patriote, ben, il y a eu un bravo! Et il y a eu un applaudissement. Même la foule a joint les applaudissements. Et ça a été une lettre qu'avait écrit André Mathieu au parti, au Bloc populaire. Il avait 14 ans. Puis, il parlait des paysages québécois, comment c'était beau, puis il fallait en prendre soin. Puis, c'était vraiment, c'est des bons moments que j'ai l'impression qu'ils devraient être davantage partagés. Oui, tu sais, il y a 2100 places. Ce n'était pas plein, je le souligne. C'est un peu triste. Mais c'est le genre, me semble, de lettre qui est si belle, si forte, d'un cœur jeune, mais bien lucide de la situation du Québec à l'international. Ben, à cette époque-là, mais même encore aujourd'hui, il lisait, puis souvent, c'était étonnamment d'actualité. Enfin... Alors, entre ces micros-là, ben oui, ça joue de la musique, j'espère bien. Moi, j'avoue que mon attention se reportait sur la crowd. Ben oui, un orchestre, c'est quand même une petite crowd sur scène. Petite, quand même grosse, pareil. Et qui est au-dessus de la mêlée. Tu sais, oui, t'as toutes les sections, mais t'as le gars qui s'occupe du xylophone. Le gars, le même, qui s'occupe du triangle et de la cymbale. Je trouve que, tu sais, déjà, il faut que ça aille de timing. C'est pas comme s'il était tout le temps là. C'est pas comme, oh, triangle omniprésent. Non, tu sais, ça... c'est quand même modéré comme instrument. Je trouve ça beau parce que, oui, tu sais, dans l'imaginaire collectif, tu sais, le triangle, c'est tout le temps pour le pourri dans la classe de musique. Yo, t'es quand même rendu, genre, à l'orchestre de la francophonie, puis tu joues du triangle puis du xylophone. Genre, clairement, tu rock, puis en plus, t'es au-dessus de tout le monde. Genre, tu rock encore plus. Moi, j'étais fascinée par lui. Je trouve qu'il y a comme un beau poste incroyable. Il y a comme la meilleure place aussi pour regarder la foule puis regarder l'orchestre. Vraiment une place de choix. Alors oui, vous aurez bien compris que pendant le spectacle, des fois, mon esprit... Je crois qu'il était emporté par la musique parce que c'est fou comment c'est... Je sais pas, les sons sont comme... Des fois, c'est super rond, puis après, ça devient vertigineux. T'as l'impression... Ouais, un peu comme des montagnes russes. Tu sais, ça monte, ça descend, ça peut être assez imprévisible. Tu te laisses emporter, puis des fois, dans des moments un peu plus calmes, ton esprit, il vogue avec la musique, puis là, il se met à divaguer. Justement, j'étais concentrée à un moment donné à regarder le petit cordon. Tu sais, le petit cordon là, qui retient rien là, en passant, là, mais tu sais, il bloque rien, partout. Mais il est là devant l'escalier pour aller vers la scène. Je trouve ça beau! Je trouve ça tellement beau. Un cordon en velours rouge qui symboliquement dit ne pas passer. Mais ça arrête qui dans vie? Ça arrête bien personne. Je veux dire, c'est vraiment l'affaire la plus inoffensive. Un cordon de velours. Fait qu'il arrête quoi? Il arrête rien. Et il n'arrête surtout pas le chuchotage. Oh mon Dieu, j'ai failli virer folle. Honnêtement, là, j'ai eu des bouffée de chaleur. Non, c'était pas ménopause partait trop de bonheur. Là. C'était vraiment genre de la rage qui bouillonnait et qui sortait de mes pores. Ouais, c'était assez calme, je vous dirais, pendant quoi? Au moins les 40 premières minutes. Et là, déjà que c'était des retardataires. Bon, ça va, là, ils ont été subtils. Mais ils se mettent à chuchoter. Puis il chuchote mal, il chuchote fort. Et je suis tout à fait capable de comprendre le monde dans l'incapacité de chuchoter parce que je fais partie de votre équipe. Moi, c'est genre on ou off, là. En ce moment, en radio, mon micro est toujours en bas de la moyenne, tu sais, je parle trop fort même pour la radio, tu sais. Fait que je te comprends tout à fait, mais comme quand tu sais que t'es pas capable de chuchoter, chuchote pas. Surtout qu'il y avait personne, tu sais, c'est vraiment l'atmosphère est d'être tranquille, à l'écoute, oui, familière, tu sais, mais pas familier au point que tu peux te permettre de tout commenter. Mais on n'était pas tant là-dedans. On n'était pas dans le j'ai envie de dire que ça m'évoque telle image, puis je veux absolument le partager à mon voisin parce que ça va bonifier mon expérience de spectacle. Non, il chuchotait, puis en même temps, ça arrêtait pas. Fait que là, ça montait en moi, puis je vous le dis, crowd, je trouve ça quand même assez surprenant parce que pour les habitués de l'émission, ouais. Je veux dire, je vais avoir des shows hardcore, puis j'aille ça comme les gars remplis de testostérone qui vont « Hey, tu m'as poussé pas comme il faut, puis je pogne les nerfs! » Fait que j'ai comme « Non, je veux dire, c'est pas bien d'être agressif. Je veux dire, c'est pas pertinent. Déjà, trashé, c'est une danse violente, mais il ne devrait pas avoir nécessairement d'agressivité à l'intérieur. » Fait que je ne me comprenais pas moi-même d'être autant rempli d'une agressivité profonde. Là, j'étais comme oh, « Seigneur, ça passe à la place de chuchoter fort de même durant le show d'André Mathieu. S'il vous plaît, quelqu'un, faites les taire! » Et c'est le moment où Critique de Crowd a intervenu. Ben oui, je suis allée leur dire « Excusez-moi, mais vous chuchotez fort avec le chuchotement le moins subtil du monde. Moi non plus, je suis pas capable de chuchoter. » Fait que je l'ai dit comme le plus bas de mes capacités. Surtout, il était pas prêt, là. Je veux dire, il y avait une marche d'escalier de distance avec moi, là. Je veux dire, il chuchotait vraiment fort. Fait que il a fallu que j'affronte ça puis je me suis sentie comme vraiment mal d'être obligée comme d'aller voir la personne dire « Ah, excuse, tu parles fort. » Ah, on n'a jamais envie en tant que spectateur d'être le parfum qui dérange le monde, mais en même temps, c'est pas super smart non plus de parler durant un si beau spectacle. Sur ce, à suivre sur le chuchotement, mais pour autant de rage, ben j'avais envie d'évoquer musicalement ce que je ressentais à l'intérieur de moi, alors allons écouter. Mais oui, je les aime, fait que c'est toujours l'occasion d'en réentendre plus sur les ondes de la marge, fuck the facts avec jour de violence, non, jour de souffrance. Après Fuck the Facts et la chanson Jour de souffrance sur leur album Amer, vous venez d'entendre Fuck Tout avec Je veux te détruire sur leur album Fuck Tout. Non, non, je n'aspire pas du tout à vouloir violenter les corps des gens bruyants durant le spectacle du 50e d'André Mathieu. Mais je vous le dis, ça m'aura tout pris d'aller la voir puis dire excuse-moi, mais chuchote moins fort. Et à ma grande surprise, la femme est venue me voir à l'entracte et elle s'est excusée. Et elle m'a surtout dit « Excuse-moi, c'est parce que c'est trop cacophonique. » Ça m'a surpris comme réponse. Déjà, qu'elle s'attendait pas trop à quoi elle avait à faire. Là. Visiblement, musicalement, elle était surprise et ça avait l'air de la désemparer. Vraiment, elle était comme perturbée. Physiquement, ça devait avoir un gros impact sur elle. Je trouve ça fascinant, l'impact physique sur la musique, parce que... faudrait que je vous retrouve un article sur le sujet, parce qu'il y en a quand même plusieurs sur les frissons en spectacle. Tu sais, quand c'est tellement prenant émotionnellement, que c'est tellement beau que ton corps, il se met à frissonner. Il y a des scientifiques qui veulent dire que c'est un orgasme musical. Mais bon, on peut dire aussi qu'on frissonne, là, c'est correct. Et inversement aussi, ça peut être comme tellement fort que t'es pas capable. Je trouve ça quand même intéressant, même si ça faisait qu'elle chuchotait trop fort, là, ça c'était fatigant. Mais ouais, qu'à ses oreilles, il y avait quelque chose de trop puissant, puis qu'elle s'excuse vraiment avec sincérité. Parce que des fois, je suis pas dans un show de théâtre, d'humour, tu sais, c'est comique, puis là, on veut commenter parce que c'est drôle. Puis, tu sais, c'est tellement vif. Ça me rappelle quelque chose, je veux le partager avec la personne avec qui je suis allée voir le spectacle. Mais oui, ça gâche le fun, puis souvent, tu mérites à la fois son silence quand tu lui dis de se taire, mais tu reçois aussi sa baboune. Fait que cette fois-ci, ça n'a pas du tout été le cas, fait que j'ai été heureusement surprise, mais très étonnée, justement, de sa réponse. Vraiment, je ne me serais pas du tout attendue à ça. Il y a encore moins qu'elle revienne. Elle est repartie, puis c'est sans fin. Elle est repartie, mais... Elle a quand même pris, appelons ça le risque, ou elle s'est essayée encore, je pourrais pas dire. Mais non, au lieu de quitter à l'entracte, elle a voulu peut-être, ben oui, voir le concerto de Québec. Sinon, ben il y aura des gens qui partent durant le spectacle. Ça m'a vraiment surpris. Il y en a comme 5-6. Je suis sans mots. Comme, en tout cas, on n'en parlera plus longtemps parce que, justement, j'en ai pas de mots. Mais il y en aura d'autres qui seront bien à l'inverse. Très partisan, très heureux. Quand Diane Dufresne est arrivée, elle a chanté juste au piano avec Alain Lefebvre, puis on a entendu des « bravo ». Ça, c'est juste à côté de moi, là, il criait « bravo ». Il y a une madame qui s'est levée là, vraiment spontanément. C'était vif comme mouvement. Il fallait absolument qu'elle soit debout pour applaudir Diane Dufresne. On le voyait, tout l'amour qu'elle avait pour l'artiste. Ça a été aussi le cas la deuxième fois qu'elle est revenue sur scène. Encore de longs applaudissements, de longs « bravo ». Et peut-être encore la même femme debout. Mais oui, plusieurs fois, c'est drôle que les gens ils se lèvent comme ça, dépendamment le sentiment d'appartenance qu'il y avait dépendamment les artistes sur scène. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant, ouais. Sinon, deuxième partie du spectacle, ben oui, va s'entamer le concerto de Québec. Et juste avant, Marc Labrèche, il aura lu d'autres textes. Et il aura même raconté une anecdote de son propre père, Gaétan Labrèche, qui aurait dit à André Mathieu, arrête de boire, parce que ça va gâcher les années qui s'en viennent. Puis qu'André, il a répondu, je t'aime, mais sac-moi patience. Ça, c'est assez incroyable. Ça a l'air que sa mère le savait pas, puis elle était dans la foule. Fait que collectivement, on a vécu un moment familial. Mais un des gros moments qui s'est passé dans les lectures, c'est quand il a lu une lettre, puis André Mathieu disait « Je suis né au monde adulte et je ne serai pas vieux longtemps. » C'est vrai que c'est assez fou comme phrase, sachant qu'il est mort quand même assez jeune, d'avoir autant conscience de son état, de savoir qu'on était génie si jeune, puis finalement, tu n'es pas capable de le rattraper plus tard dans ta vie. Ah mon Dieu, en tout cas, je trouve ça quand même assez fou. Fait que vous voyez, comme dans l'état où ça nous mettait pour commencer le concerto, c'était vraiment très, très beau comme moment. C'était beau. J'ai pas envie d'ajouter d'autres choses parce que je suis pas une grande critique de classique, alors je pourrais pas mieux vous le commenter. Par contre, dans la crowd, ça, je peux vous le dire, il y a eu un applaudissement interrompu. Ouais, comme couité. C'est comme, oups, c'était pas le bon moment. On pensait que c'était la fin et là, quelques personnes, peut-être un peu trop excitées, trop enthousiastes par la musique, ont voulu remercier et applaudir, mais on dirait que c'est un peu court-circuité la finale qui était quand même plus tranquille que certains grands élans. Fait qu'à la fin, ben oui, ça applaudit. Juste que des fois, on était comme, là, c'est la vraie fin. Ouais! On s'est auto-gâché le fun de crowd d'applaudir au bon moment. Tu sais, un petit deux secondes, des fois, c'est payant. Ouais, c'est ça. Et la patience aurait été extrêmement payante aussi. Parce que oui, les longs applaudissements, Alain revient, l'orchestre revient, repart revient. Et il y en a un, il a vraiment, il était décidé. Là, il applaudissait. Puis là, tout le monde le suivait finalement, là où on pensait, parce que là, vraiment, ça s'était arrêté, là, les applaudissements. Ça revient en force. Et il est venu nous jouer au piano. C'était tout délicat. Les gens même chantonnaient dans la foule. Je trouvais ça très, très beau. Je crois aussi que les gens étaient animés d'un espoir d'avoir 22 rappels, parce que Marc Labrèche a raconté aussi une anecdote comme quoi André Mathieu, il aurait déjà donné, je pense que quand il était ado, il donnait des concerts en Abitibi, puis il avait donné 22 rappels. Ça a duré jusqu'à 2h du matin, et Marc Labrèche nous avait proposé d'applaudir autant pour en avoir 22 aussi à la Maison Symphonique. On en aura eu un seul, mais c'était encore plus intime. Quand je vous disais qu'il y avait une ambiance familiale, là, c'était complètement intime. Genre, d'être juste lui, les personnes qui restent, on était quand même encore nombreux dans la crowd. Puis même l'orchestre, c'était un peu étiolé, là. Fait qu'on avait vraiment une sensation de « Ah, mon Dieu, ceux qui sont partis, ils savent tellement pas ce qui manque. » Ouais, ça a été très beau pour ça. Sur ça, ben écoute, j'ai encore de quoi dire sur Alain Lefebvre. Ce sera après les publicités. On se dit à tout de suite. Voir un classique en famille sur écran géant, quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perle rare pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Célébrez l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, Moses Somney et son alliance subtile de folk, de jazz et de blues. La musique électro du jeune DJ français, Môme. Une soirée 100% hip-hop avec le duo torontois Calm Down, Nate Husser, Zach Zoya et Naya Ali. Une soirée tout en douceur avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Billets en vente maintenant sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Lundi 18 juin, c'est les compositeurs jazz. Mardi 19 juin, Van Hoo reçoit Antoine Lachance et Lydia Sutherland. Mercredi 20 juin, en 5 à 7, Hot Jazz. Jeudi 21 juin, en 5 à 7, Elephant Tone, présentation d'album. En soirée, Voodoo Jazz. Vendredi 22 juin, soir plus coup de cœur francophone présent, Zouz, ouverture du Festival Soir. Samedi 23 juin, Saint-Jean au Quai des Brumes avec Corps Gras et invité secret. Super surprise! Dimanche 24 juin, en 5 à 7, des plugs présents, une hostile belle Saint-Jean. Quai des Brumes, coin Saint-Denis et Mont-Royal. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Le Festival international de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Du 28 juin au 7 juillet, des spectacles gratuits tous les soirs. Voyez le grand événement TD avec la révélation canadienne du R&B, Jessie Reyes. Venez danser sur les rythmes de l'auteur-compositrice-interprète d'exception, Stéphane Moraille. Pierre Quenders nous offre son son unique pour une soirée inoubliable et la soirée de clôture Rio Tinto avec le groupe The War on Drugs. Info au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto en association avec La Presse Plus et CISM. Ne manque pas la première édition du Festival Soir sur l'avenue du Mont-Royal le 22 juin prochain. Assiste à des affaires bizarres comme un word-up de compliments et des blind dates artistiques. Pour les oreilles, Zouz, Country, Fête Nat et plus. En grande première mondiale, un nouveau volet cinéma incluant une discussion avec Robert Morin et 20 courts-métrages. Plus d'une cinquantaine d'artistes et de collectifs à découvrir à Soir Plateau le vendredi 22 juin dès 17h. Pour plus de détails, suis-nous sur Facebook, Instagram et au soirmtl.com. On aime tout le monde, surtout notre mère. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Critique de crowd. Ben oui, vous écoutez Critique de crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures en ce spécial franco et en ce grand topo sur André Mathieu et Alain Lefebvre. fin du spectacle et comme je vous dis, c'était vraiment un très beau moment là, près intime avec les gens qui voulaient encore un autre rappel. Et après, il signait des albums. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais comme je me suis dit, il faut que j'aille le remercier, Alain Lefebvre. C'était un très beau moment, une première Montréalaise. On a vécu quelque chose quand même. Bon, pas juste des bonnes émotions, mais ça, on les met de côté, crowd. Fait que je voulais aller le remercier et c'était à ma grande surprise, déjà que je reste puis que je fasse la file. Mais oui, comment il était avec sa crowd. Je pourrais pas comparer avec tous les musiciens. Là. Je reste pas au stand à t-shirt pour voir comment tu jasouilles avec ta crowd, musicien. Mais j'ai été étonnée à quel point les gens étaient d'une proximité. Tu sais, je vous disais que c'était familier depuis le début, mais c'est du début à la fin et même après le spectacle. Fait que dans la file, autant il y a des gens remplis d'émotions qui, tu sais, vont se pencher, vont être à genoux, tu sais, pour être à bonne odeur pendant qu'Alain est assis. Puis là, il leur compte, tu sais, des... Ben, j'avoue que là, j'avais pas l'oreille assez longue pour entendre de loin, mais on le voyait physiquement, tu sais, compter une anecdote qui leur était bien personnelle puis qui avait envie de le partager. Et comme la reconnaissance dans le visage d'Alain, quel bon moment nous vivons. Et chaque moment avait été bien unique. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est à quel point, c'est ça, il était familier. Genre, il y avait une madame, il a dit « Ah! Tu me donneras le numéro à Jojo! » Bon, OK, le familier, visiblement, il la connaissait, là, Jojo. Mais il y a eu plusieurs personnes comme ça, des connaissances qui reviennent, mais aussi des gens qui étaient tout simplement fans, mais qui jouaient, être encore plus, mon Dieu, comique, je peux dire. Parce qu'il y avait des madames qui pouvaient être un peu gênées de prendre une photo avec lui, tu sais, les selfies. Mais il a dit, vous en voulez une autre, madame? C'est parce que vous voulez encore vous coller, hein? Hey, Alain Lefebvre, t'as dit, tu vas encore te coller. Ça me faisait beaucoup rire pendant que j'attendais pour lui dire merci pour le spectacle. Je trouve ça assez décontracté. Vraiment, l'image du début à la fin du show, je trouve ça beau, je trouve ça important parce que peut-être que au prix des billets. Des fois, on est peut-être pas tenté, d'aller voir un spectacle de musique classique. Puis je trouve que ça déconstruit beaucoup l'image qu'on pourrait avoir facilement en préjugé, en cliché. Vraiment, vraiment l'inverse. Puis là-dessus, je trouve ça beau, je trouve ça important. Faudrait qu'il y ait une plus grande accessibilité parce que c'était un show qui était accessible. Peut-être à des oreilles moins sensibles, ce n'était pas le cas. Mais majoritairement, oui. Enfin, ça pourrait être un grand débat et une grande conversation. Politique, parce que comme il l'a mentionné en spectacle, il n'y a pas eu de financement du tout. Il y avait juste un gars dans la crowd qui s'appelle Roger qui a donné de l'argent. Ça, puis une compagnie de portes et fenêtres de... je me rappelle plus. De Thetford Mine, du Terrebonne, je me rappelle plus. Reste des gens juste passionnés qui ont fait, tiens, je te donne de l'argent, fais le show. Je trouve ça... je trouve ça quand même assez fou et ça prouve aussi le sous-financement en culture parce que ça reste un monument pour notre histoire à nous. C'est pour ça que je vous dis, ce serait un très long top of fact. Sur ce, je vous dis allez en écouter et... Aller revoir Alain en spectacle quand il sera de repassage en ville. Sur ça, eux autres, ils seront en spectacle ce vendredi. Québec Redneck Bluesgrass Project. C'est complet. Fait que si tu n'as pas déjà ton billet, apprécie cette chanson. Je suis bien cool. Ça brosse. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans la moindre goutte de taux de vie, sans la monde de ta bonne orchestre. Parmi les jobbers, c'est mon extraterrestre. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans ta voix. Parmi les troqueurs qui traversent la toundra, je suis l'ange en blanche, mais aux cheveux gras. Survie mais le X, c'est que c'est bien plus plaisant sous. Je survis mais voilà là, c'est que je suis bien plus cool, ça brosse. Je suis bien plus cool, ça brosse. Moi, je suis bien. Ça prend le désert du Sahara, c'est pas un coin porte dans une drosse, c'est pas un camp à sec dans le bois. Ça prend un sac polaire pour me sac et boire. Ça va pas aller par la personne. Non, quand je suis pas chaud, j'ai pas de fun. Non, tu verras pas aller par l'eau gonce. Moi, non, file une couple d'onze, ouais. Mais moi, deux, trois gros, ça traîne en avant. Moi, t'en parler, la petite beau temps, moi, en avoir des affaires à dire. Puis à dire sous tout. Et les tons s'élèveraient dans le camp en boiron bizarre dernier service sous le soleil de plomb. Et les points s'abattraient sur les tables comme à l'ave. Oui, les points s'abattraient sur les tables comme à l'habitude. Parce que je suis bien plus cool. Ça brosse. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Je suis bien plus cool. Ça brosse. Moi, en plus, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif en malade. Oui, j'ai soif. Oh, j'ai soif. Oh, j'ai soif en malade. été un jour aujourd'hui que je survis sans la moindre goutte d'eau de vie. Sans l'assise de ta voix d'orchestre parmi les drogueurs, c'est mon extraterrestre. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans ta voix parmi les drogueurs qui traversent la toundra. Je suis l'ange de l'an blanche mais au cheveux blanc. Survie mais le X que c'est bien plus plaisant sous. C'est bien plus plaisant sous. Je survis mais voilà la vie, je suis bien plus cool, ça brosse. Ils auront soif parce qu'il va faire chaud au Club Soda demain, le spectacle complet de Québec Redneck Bluegrass Project. Bien rapidement, ben oui, parce que j'ai toujours l'habitude de vous faire de la suggestion de crowd. Il y en a toujours tout plein à Montréal et je sais que tu es en train de te préparer pour le festival de jazz crowd. Fait que quelques petites suggestions ici et là, dont ce soir, non, pas toutes, c'est demain. Le temps passe vite, mais pas tant non plus. Ben oui, Zouz au Quai des Brumes. Sinon, ben la Saint-Jean, fait que promène-toi en ville, il va y avoir plein de spectacles. Je suis assez certaine. Non, non, c'est confirmé. Mais sinon, au dimanche, au pique-nique électronique, je sais, dimanche Saint-Jean aussi pour les pique-niques. Enfin, la programmation est de DJ 17, alors je trouve que ça fit bien. Cree, Ryan Playground, Tommy Cruise, ça devrait être assez animé. Lundi, dans un tout autre ordre d'idées, c'est Ice Age à la Sala Rossa. Et finalement, ben oui, prépare-toi pour le festival de jazz. Tes suggestions à Critique de Crowd, Facebook ou tout autre moyen de communiquer, ce serait bien agréable parce que, ouais, j'ai envie d'explorer, mais si t'as des suggestions, ce serait beaucoup mieux. Sur ce, on s'en va écouter les chansons du palmarès francophone de CISM. J'ai décidé d'aller en voix toute féminine avec Clara et Laura. À suivre. dit avant la musique que c'était Clara et Laura, et oui, ils auraient reconnu Clara Luciani avec Laura Lefebvre avec leurs chansons respectives Comme toi et Violence. Elle se retrouve sur le palmarès francophone de CISM. Vas-y gaiement, CISM893.ca, l'application et tout plein d'autres manières, dont les ondes FM à tous les jours. Tu peux en entendre. Profites-en. Sur ce, t'écoutes Critique de Crowd. En ce spécial, parce que toutes les émissions de Critique de Crowd sont spéciales. Spécial franco. Ben ouais. Et là, je veux dire, on me retrouve un peu plus dans mes habitudes de crowd. Ben oui, on est allé voir du rock. Pas n'importe lequel, celui qui se passait sous la tente de CISM. Convergence, me diras-tu? Ouais, je vais faire une bonne critique. Non! Non, mais le show était bon pour vrai, que je tiens à le dire. Fait que c'était la série En Marge qu'on organisait sous la tente pendant qu'on anime en direct. Après, on ferme les micros, mais on les allume pour les bands, puis ils jouent, puis ils n'ont pas beaucoup d'espace. Fait qu'on pourrait dire quand même que le groupe est quand même tranquille, à moins qu'il veut se faire griller la couenne sous le soleil. Il aurait pu en profiter. Ça aurait pu être le cas des bagnards, parce qu'ils ont eux-mêmes dit qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer au soleil. Autant en profiter quand on n'est pas en train de jouer à 11h le soir dans une taverne. Alors, les bagnards que vous avez eu l'occasion de voir, mais surtout d'entendre à la radio. Ben oui, parce qu'on les a eus dernièrement dans le palmarès que je viens juste de présenter. Hein? C'est-tu pas dadon? Et sinon, ben écoute, je pense que j'ai eu l'occasion aussi d'en mettre une couple de fois. Ils ont sorti un album cette année. Pour moi, c'est là que je les ai découverts, même s'ils existaient avant. Alors, découvrez-les également sur leur Bandcamp. Pour ceux qui y étaient pas, parce qu'on était quand même une bonne foule, je dirais quoi. Là, c'est le moment où je sais pas si je sais pas compter ou je sais pas estimer, mettons. Fait que je pense qu'on était une trentaine, une quarantaine. J'ai envie de dire une quarantaine. On était quand même assez nombreux. Mais est-ce que je peux compter les enfants qui jouent aux poches? Parce que oui, il y avait un énorme jeu de poches dans les lettres de CISM. Ouais, il était assez proche pour les considérer. Mais il était juste 2-3, ça va, c'est tranquille. Mais des enfants, il y en a aussi sur les épaules de leur grand-papa. Ah oui, la petite fille qui avait les cheveux mouillés, elle avait l'air badass, puis elle arrêtait pas d'y bardasser, justement, les épaules. Elle était un peu énervée. Elle était une future rockeuse, ça, c'est assez assumé. C'est assez... ça se sentait. Sinon, dans la foule, ben beaucoup de curieux, mais aussi beaucoup d'amis, de fans du groupe. Sinon, c'est vraiment un méchant addon que, comme ça, par hasard, dans la foule, il y a des gens avec des tatous de Black Flag et que le Ben en a également. Fait que, je sais pas, tu sais, mettons, par hasard, tu vois quelqu'un qui a le même tatou que toi. Est-ce que vous vous mettez à vous discuter ou non? C'est à suivre, j'attends les appels. Surtout, sinon, ben oui, des curieux, des curieuses, des belles dames en robe de fleurs là, qui dansent, qui sont heureuses. Ça danse, ça bouge. Ça pourrait être quand même tranquille comme spectacle. Je sais pas, début de soirée, on est même à cheval sur l'après-midi, je trouve. Il était 6h, 6-7. Il faisait tellement soleil, on se serait cru à 2h de l'après-midi. Mais je crois que c'est vraiment la façon incitative et si peu en même temps que le chanteur avait de nous dire « Hey, on aimerait ça voir de l'action. » C'est plutôt simple comme phrase et ça peut être très quand il y a personne qui bouge. Mais cette fois-là, ça aurait été efficace. J'accuse qu'il y avait déjà leurs fans de présence, slash leurs amis. Ça peut toujours être... C'est vaseux, hein? La zone trouble entre tes chumés avec le band parce que t'es aimes, puis après ça, tu vas tout le temps les voir puis là, vous êtes devenus des amis de même ou l'inverse. Peu importe, je vous dirais le lien d'amitié parce que ça aurait été efficace. Des fois, nos amis, c'est pas non plus les plus grands partisans genre dans la crowd. Fait que cette fois-ci, une coupe de trasher, là, quand même rigolo, qui vaut quand même assez mollement, mais quand même, j'avais enlevé mes souliers parce que je me prélassais dans la foule et debout. Et là, je me suis dit, oh, il vaudrait mieux être équipé du pied pour pas trop non plus les faire massacrer. Mais un trash, tu sais, sympathique, là, vraiment, je sais pas comment dire, là, mais mou, pas dans le... Je sais pas, mou, ça évoque quoi pour toi, crowd, qui écoute en ce moment CISM? Parce que, tu sais, ça peut pas être violent, c'est pas trop agressif, mais tu sais, ça pousse les gens quand même, mais c'est un peu mou parce que on s'amuse, mais c'est relax. C'est un trash mou. C'est un peu ça. Ouais. Ce sera ma description. Ça va se faire pendant deux chansons, puis ça va être à chaque fois que le chanteur va nous le proposer. C'est tout mon espèce de... c'est quoi la limite entre une foule puis une foule avec une certaine amitié? Parce qu'est-ce qu'on le faisait pour leur faire plaisir ou l'incitatif était si réussi? J'ai l'impression que c'est un peu des deux. Puis dans tous les cas, j'ai envie de dire que je m'en fous parce que ça a vraiment bonifié la prestation. Puis je trouve que c'est quand même facile que ce genre de show-là, ça soit tranquille. On se dit, ah, début de soirée, on prend ça relax. Mais au lieu d'être juste relax, tu peux aussi avoir un trash relax. Alors, bien agréable là-dessus. J'ai passé un très bon moment. Et finalement, ben, c'était l'anniversaire de leur bassiste. Fait que je trouve ça très drôle. C'est pour ça que je le souligne. Et aussi pour les interactions dans la foule. Je crois que c'est la plus drôle. Il y a quelqu'un qui a crié « Ah ouais, le biberon! » Parce qu'il a envoyé dans sa bouche une coupe de gorgée d'alcool. Mais surtout qu'il y avait le même âge que les Franco. T'es-tu au courant, garçon, que tu as l'âge des Franco? Vous êtes comme frères, toi, puis les Franco. Je trouve ça très cute. Sur ça, on va l'en entendre, justement, les bagnards sur CISM. Entendre Vous venez d'entendre les crapules. Parce que c'est très bête comme anecdote, là. C'est tout simplement parce que moi, les bagnards, j'avais très mal lu sur leur sujet. Au début, je pensais que c'était les crapules. Les crapules étant un groupe formé d'anciens des vautours. Et en voyant leur beau et jeune visage, j'étais comme, oh, je ne crois pas que, que la nature les ait si bien conservés pour que ce soit aussi les vautours, même s'ils sont bien encore jeunes dans leur cœur. Alors voilà, vous avez entendu les crapules avec la chanson Germinale. Et sinon, vous avez entendu Grand Chef du groupe Les Bagnards. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et ceux qui sont encore, oh mon Dieu, fringants, j'allais dire jeunes dans leur cœur, mais ce ne serait pas assez pour parler de leur bonne capacité physique sur scène. Le nombre! Mon cœur était rempli de joie et d'amour parce que c'est un de mes groupes préférés quand j'étais ado. Genre de groupe que t'aimes, mais tu le réalises pas. Tu sais, t'as tout le temps des bands préférés. T'as des bands que t'écoutes comme beaucoup, puis tu réalises pas que t'es écoutes vraiment beaucoup. Puis pour moi, c'est ça, le nombre. J'ai réalisé comme des années plus tard, je fais comme, hey, je les ai vraiment beaucoup écoutés. Je fais, ben, je les aime vraiment beaucoup. C'est comme un amour lent, mais sûrement. Hein? Qui te guide, qui est avec toi. Trois beaux albums qui m'auront suivi. Et 9 ans sans spectacle. Fait que je pense qu'ils ont joué une fois à l'Embuscade. Sûrement qu'ils ont joué d'autres fois à Trois-Rivières, jadis que j'y habitais à l'époque. Mais ça m'avait jamais adonné. Hélas! Fait que pour moi, je le vivais comme quelque chose qui allait jamais se passer dans ma vie, voir le nombre en spectacle. Mais ah, il fallait faire confiance aux Franco qui aiment ça nous amener des belles surprises, comme le nombre. 9 ans d'absence et boum, ça se détruit là parce qu'ils vont faire un spectacle aussi au Festival d'été de Québec. Mais voilà, je suis très, très, très heureuse et je devais certainement pas être la seule puisque dans la foule des gens, il y avait beaucoup de visages reconnaissables de la scène rock montréalaise, qu'elle soit des années 90, 2000 ou d'aujourd'hui. Vraiment, on pouvait spotter du musicien qui avait hâte également d'y voir en spectacle. Et c'est de façon tout à fait triomphante que le chanteur est monté sur scène avec son masque de lutte jaune, puis son kit tout blanc. Il était beau, il était coquet. Je le trouvais très diva, à la fois dans ses mouvements, mais aussi avec l'assurance qu'il avait. Une diva rockstar! Oui. Et quand je vous dis Une énergie, une force physique, c'est parce que dès le début, là, il se roule par terre, il se tape beaucoup les fesses avec sa tambourine. Et sinon, ben, il va avoir mille et une acrobaties avec le pied de micro qui tient en l'air à l'envers, qui se défait, là, la basse, elle lâche, le tam-tam rentre dedans. C'est un peu n'importe quoi, mais joyeusement n'importe quoi. Je dis n'importe quoi dans le sens où il crée, là, son chaos, là, je vais, tu sais, son pied de micro, il a pas lâché de même, il l'a pas attaqué comme ça par hasard. Fait que c'est très, très, très, très, très, très, très beau à voir sur scène. Une énergie, remplie de... Tu sais, c'est... Est-ce que c'est prévisible par rapport au rock, là, tu sais, de jouer son tannant, de vouloir foutre un peu le bordel? J'ai trouvé ça surtout rafraîchissant, mais il semble que une assurance scénique comme ça, ça faisait un bout de temps que j'en avais pas vu. Tu sais, vraiment, tu prends possession de la scène, tu joues pas le timide avec des blagues un peu absurdes de côté. Non, non, non. Les blagues sont absurdes parce que t'es assumé, parce que toi, t'es un rocker. J'ai aimé ça dès le début et ça s'est poursuivi tout le long du spectacle. C'est cette dynamique-là qui devait être la même là, de leur autre spectacle, je présume. Mais les gens qui, n'étaient pas à leur première expérience autour de moi était tout autant ravi. Et la foule. Oui, j'étais un peu triste au départ. Oui, ça c'est parti de l'incompréhension jusqu'à la tristesse. Là. J'espère que tu as bien compris l'émotion que j'ai faite sur les ondes de la marge. Oui, parce que c'était quand même tranquille. Bon, déjà, on pouvait voir direct au début. Peut-être que c'était pour limiter notre joyeux chanteur sur scène. Il y avait des enfants, des petits bambins, qui s'accrochaient sur les poteaux de la clôture. Et il y en avait un qui essayait de faire des dévols aussi. C'était une belle pratique pour un futur rocker. Mais autrement, eux autres qui s'énervent après la clôture, d'autres enfants aussi qui... c'était l'espèce de décoration. Vu que c'était la scène Hydro-Québec, c'était comme des espèces de fils électriques, là. Ben, ils étaient là-dessus, puis ils grouillaient aussi. Je veux dire, à part les enfants... Ça grouillait pas beaucoup. J'ai encore des réserves encore parce qu'il y avait quelques personnes, encore toi, dame en fleurs, dame en robe, toute fleurie, qui danse gentiment, des fois un peu plus d'énergie, mais qui danse. Le plus énervé de la crowd sera le punk à la mohawk un peu échevelé. Oh, lui, il était excité, rare, là. Il était énervé. Il était venu aussi avec son enfant, ou un enfant qu'il connaissait bien, puisque entre les chansons, il parlait, et on voyait qu'il était beaucoup plus calme. Mais dès qu'une toune partait, c'était comme... C'était la gloire qu'il fallait absolument montrer physiquement, là. Cette joie et tout. C'était intense. Ah ouais, vraiment, j'étais comme... Au début, j'étais pas proche de lui. Je me suis dit, il trash pas, mais je vais quand même en manger une. Je vais quand même prendre ma distance. On sait jamais. Sinon, dans la foule, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de rocker quand tu manges une salade aux fraises. T'sais, c'est comme, t'as les mains occupées puis t'es tranquille. Fait qu'il y avait un peu de ça. Fait que j'étais triste, mais à quel point... Moi, j'étais tellement heureuse de voir le nombre en spectacle que je crois que je pouvais me foutre de la crowd, mais que ça vous faisait une très mauvaise critique de crowd. Ça a été aussi remarqué, pas la crowd, mais le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants. Puis il faut dire que c'est eux autres qui s'énervaient le plus aussi. Il est emballé, il était content. Mais le groupe en aura aussi fait mention. Comme quoi, peut-être les enfants, tu sais, ça va pas. C'était ironique un peu, mais c'était « Ah, oh, ça va pas les enfants, les poussettes, on est venus s'amuser. » À quel point, quand il y a des enfants, on va avoir une certaine retenue? Étant donné que je vous couvre le Puzza Fest à chaque année et que c'est un événement, pour moi, familial, où il y a un tuage, puis à côté, oui, il y a des poussettes, c'est sûr que c'est une gestion de, prendre une petite distance, mais que le tout est possible. J'ai l'impression que dans la foule, c'était pas exactement ça. Il y en avait certains qui avaient... Il y avait un peu peur, tu sais. C'était comme, ah, ben là, attention, il y a des enfants, faudrait pas trop que je sois proche de quelqu'un qui s'énerve. Une petite ambiguïté. Mais faut pas se faire tromper! Non! Parce que... Je trouvais que c'était pas assez... J'ai voulu m'énerver. Fait que j'ai trouvé un comparse de foule qui aime bien trasher. Je l'ai poussaillé un peu. En faisant attention aux enfants, bien évidemment. Là, mais reste que gestion de tout ça. Je pense que ça a amené des gens un peu avec des doutes dans le regard. Puis, juste à côté de nous autres qui tentent de trasher, il y a une jeune fille, une adolescente qui me demande, tout joliment comme ça, « Est-ce que vous faites un mosh pit? » Et là, j'ai répondu oui. Et là, elle était toute de joie et elle a décidé d'embarquer avec nous autres. J'ai adoré ça! Quel beau moment! Je veux dire, maman est intergénérationnelle. Je veux dire, visiblement, c'est pas sa première fois. Puis elle était contente qu'il y ait du monde qui participe à la chose. Peut-être qu'elle, tout seule, elle n'aurait pas parti avec sa mère, là, mettons. Fait que... Je dis avec sa mère parce que quand même, il y avait aussi des enfants dont les parents avaient l'air d'être un peu sur scène. Hein, comme... Il y avait une belle préadolescente qui dansait vraiment de façon joyeuse et guémante. Puis après ça, j'étais comme, « Hé, on a la même salopette! » Fait que pendant que je réalise que je porte du linge de préadolescente, pouf, elle disparaît. Et qu'est-ce que je vois dans le backstage? Ben oui, la dite préadolescente dans les backstage. Fait que soit c'est vraiment une préado de l'élite rock montréalaise, soit tout simplement, ben ouais, peut-être qu'il y avait un de ses papas qui était sur scène. Fait que des fois, la proximité, comme je vous disais tantôt, entre les amis et des fois aussi avec les enfants qu'il peut y avoir dans la foule, ça peut être assez surprenant. Ça peut avoir un certain impact sur l'appréciation du spectacle. Un peu. Le pire dans tout ça, c'est que même s'il n'y a pas eu beaucoup d'action dans la foule, ou celle que j'ai pas provoquée, ben je trouve qu'il y avait beaucoup de joie. Les gens étaient contents. Ça se sentait, les applaudissements, les cris. Mais ouais, ça n'a pas abouti à une énergie sauvage dans la crowd. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu attristé, mais qui n'a pas changé à mon bonheur. Quand je vous dis que ça n'a pas bougé, l'exemple parfait est au moment où le chanteur, il nous demande que tous ceux qui ont des problèmes d'alcool y aillent à droite, ceux qui ont des problèmes de drogue à gauche, puis tous ceux qui nient leurs problèmes restent au centre. Eh bien, par un merveilleux hasard, tout le monde était à la bonne place. Peut-être que c'est vrai, on ne sait jamais, mais je crois surtout que les gens n'ont surtout pas bougé. Fait que ça montre aussi, ouais, à quel point... Est-ce que les gens se seraient déplacés? Pour la blague, ça aurait pu, tu sais, mais vraiment, on n'était pas dans une foule qui bouge à outre mesure. Puis je réappuie encore, tu sais, c'est vrai que les gens étaient venus pour le show puis qu'ils étaient contents parce que quand le spectacle s'est terminé, ben oui, ça a été longuement applaudi. Et même là, ça s'est poursuivi, il y en avait un, il arrêtait plus d'applaudir. Puis vraiment, genre, peut-être 5 minutes après que le show soit terminé, on sait que c'est assez réglementé avec les franco, là, tu sais, tu peux pas te dépasser ta plage horaire. Ça continuait, même quand le technicien est arrivé, il s'est fait huer. Il y avait une réelle intention d'avoir un rappel, parce que ça fait très rock de pas respecter son horaire. Sur ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont pas joué. Il y a une femme qui l'a murmuré même durant le spectacle, qui était comme... « Allez, laissez venir à moi les grandes brunes !» Et non, à part si j'ai cligné des oreilles, je pense qu'ils l'ont pas joué. Je souhaitais beaucoup, je l'aime beaucoup. Parce que je sais pas, moi, elle vient me chercher, même si je ne suis pas très grande. Mais laissez venir à moi les grandes brunes du groupe Le Nombre. De ces nocturnes, assez près pour pouvoir les toucher. C'est quelque chose d'important à leur divulguer. À chaque sa chacune, je crois pouvoir les soulager. Laissez venir à moi toutes les grandes brunes. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi les grandes brunes. Je m'accoutume et qui ne m'épargne pas à les quitter. Oui, je répugne, je sais qu'elles existent parfois. Je claquerai tout mon cash, oui, je me donnerai. Mais je tiens à ce que tout le monde sache, je dois regrouper au moins une grande brune. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. J'attiserai depuis le crépuscule les signaux d'amour qui flottent dans la nuit. Au besoin, je les rallume. Qu'ils vivent et se consument. Et je me sentirai délivré si encore une fois je porte le costume de celui qui loge sous son toit. Une âme égarée dans le corps d'une grande brune. Je vous laisserai vos déviances. Vous me laisserez m'isoler avec l'objet de ma concupiscence. Pour au moins toute une année. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi les grandes brunes. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi les grandes brunes. Sur leur tout premier album, Le Nombre, vous avez entendu Laissez venir à moi les grandes brunes. J'espère que ça vous a fait autant plaisir que ça m'a fait plaisir. Vous écoutez Critique de Crowd, qui est un espèce de crack du site des Franco, à la fois dans l'horaire, puisque dans mon horaire de rocker, il y avait une heure d'écart entre Le Nombre et les Breastfeeders, et il y avait une crack dans dans le site. Oui, je te le dis, parce que je voulais pas tant rentrer dans la foule. Pas que le spectacle n'était pas intéressant, là, Rap Keb All Stars, mais tout simplement que pour y sortir, je me suis dit, ne vaut mieux pas s'il faut filer. Elle était assez grande comme foule, très animée aussi, mais justement, je la voyais très bien, parce qu'il y a une espèce, c'est ça, il y avait une petite craque qui devait sûrement servir juste de sortie, mais le festivalier qui était, oh, il était judicieux. Il s'est dit, pourquoi je resterais pas un peu tapis dans l'ombre, à côté sur le mur, pour regarder le spectacle. T'as une belle vue, ses écrans, la scène, bah, pas tout à fait, mais une très belle vue sur la crowd. Fait que, également, je les ai imités. Moi qui pensais juste traverser, j'étais comme, mais je suis un bon spot. Et on était quand même assez nombreux, mais on ne misait pas trop à la circulation. Reste que j'ai bien réalisé que, normalement, les gens devaient pas rester là. Parce qu'il y avait, oh pauvre lui, mais un employé bénévole, genre attitré à dire, déplacez-vous s'il vous plaît, circulez, de façon gentille, mais en même temps, il est juste comme, ça ne se passera pas. Je n'ai pas l'autorité pour. Ouais. Ça s'est pas tant passé, mais vraiment, j'espère qu'ils vont... Ah! Je sais pas s'ils ont apprécié l'organisation, cet espace un peu... un peu lame. Tu sais, on peut-tu rester, on peut-tu pas rester? Mais c'était bien agréable pour regarder la crowd trashy. Ouais! Trash pour Joe Rocca, qui était en même temps que Mike Schaab. Fait que j'ai vraiment l'impression que j'ai été là au moment qu'il passait la chanson Real. Alors, allons l'écouter sur les ondes de CIS. Bon, oui, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel, trop réel, hey, trop réel. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel. Fuck with me, je vais t'en basse. Les gros, je m'en suis déjà débassé. L'envie ici, c'est comme malade. Je les ai tous envoyés magasiner. Je fais pas toujours l'unanimité. J'en vois quand même que c'est de m'imiter. J'en vois quand même que c'est de m'éviter. Le money ceiling est illimité. My click on the map. I've been doing that. Ton flow passe date, je le filme comme 20 minutes passé 4. La sauve comme c'est 4. Que la sauve, je fais splash. Body surf dans la masse. Juste réel dans la passe. Le respect, c'est un grand mot. Montréal, c'est une petite ville. Fuck shit, c'est moi sans. No love pour ces bitches. Enlevé comme un femme. Juste les vrais sur ma caisse. Enough money, enough problems. Pas besoin de ton French. Apprends les choses comme elles sont. The bitch is a bitch. J'arrive la même pour ces hypocrites. Apprends les choses comme elles sont. The bitch is a bitch. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel. Fuck with me, I was fast. Level up like a rack. She wanna fuck cause I'm bad. She wanna fuck cause I'm shab. I want $1 million cash. I want some peas with some ass. Fuck nigga, you a rat. Post it up like a cat. I'm on whatever I want. She on whatever she want. I buy her whatever she want. Thank her for walking the swamp. Walking around with my pump. She blow it fast like a punk. I keep a spike like a punk. And I do drugs like a punk. Ooh, yeah, whoa, ayy. This and I pop to some funk. Making these shows on St. Lo. Then I collect, then I did, then I'm gone, yeah. Niggas gotta watch their hoes. I'm tired of hearing them yap on my phone, yeah. Same niggas since day one. Shout out all my Haitians. Chase money, don't face them. Rappers tryna copy paste them. She wanna fuck cause I'm bad. She wanna fuck cause I'm shab. I want $1 million cash. Post it up like that. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey. Frisky, tous ces rap avec le funk. Fuck les des onomatopées. J'arrive avec le niveau qu'on onomatopée. Fuck with me, c'est ton boy. Ma clique flash pour la roy. Ma vie n'est pas sur Insta Live. J'ai trop de cartons à Gangsta Life. Shit, tu vois, on polarise. Mais y'a beaucoup de trucs qu'on peut pas montrer. Trop high pour mes rivaux, donc tu peux pas monter. Tu sais que je suis un savage. Macho man, Randy. Quand les confrontes, tu les confrontes. Ils disent, c'est pas moi, j'ai rien dit. Le trouve, tu veux pas qu'on te l'amène. Ta femme dit que je fais le seul rap qu'elle aime. Je me réveille, je vois une brunette, une blonde sous mes lunettes rondes. Black John Lennon. Kevin Spacey avec mes cartes. Mes cartes nées avec mon groupe. Legend. Toujours roi, même quand je m'écarte. King. Toujours jeune, ils veulent me carter. Zero chill, ça, c'est le son, mes négrophiles. On tue le king. T'aimes ces rappeurs, tes négrophiles. Joe Rocca, c'est magic. Mike Schaab, c'est magie. Pouf. On fait disparaître l'énergie négative comme la magie. Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel, trop réel, hey, trop réel, Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Fuck with me, je vais t'en basse. Trop réel, hey, trop réel, trop réel, Hey, trop réel. Chienne, chienne. Non. Hein. Chill avec les same bro posés dans le bendo. On bouge dans le Range Rover, puff dans la main droite, taille dans la main gauche. On a pas les mêmes goûts, on a pas les mêmes goûts. Où y'avait une belle meuf, big booty, belle jambe, downtown, belle chambre, nuit blanche et bien chaud. Blackout de man down, tous dans le même jour. Je me souviens de rien d'autre. Soldat, bot, moi un trench coat. Smash kill, bunda sur dance floor. Flash à 3h sur Saint-Lô. Wake up, cocaine sur Sable. Plus tard, watch out, mon crew devant ta bio. Comme dans le temps, mes talks maintenant dans ta porte. Fuck. Le rap game, il s'enfant dans sa gorge. Comme rough, je suis violent jusqu'au volant de ma Porsche. J'entends ça parle pas quand j'approche. Bang, j'ai les backup, mal à pop. Je vends mes chansons au fond, je vends de la drogue. Au pêche, touche le ciel en creusant ma tombe. Chienne, chienne. Tous ces efforts, pourquoi? Tout cet or sur moi, passe out dans une voiture noire. Je m'endors entre une planche, une noire. Blackout! Blackout! Frérot, frérot, je suis parti. Ouais, je suis plus d'être près du quartier, frérot. Yo, belle vie, croyez, frérot. Ces chiens m'ont parlé. Frérot, je suis parti. Ouais, je suis plus d'être près du quartier, frérot. En plus de Joe Rocca qui faisait partie du Rap Keb All Stars, il y avait également Ryan D. Vous venez d'entendre sa chanson Blackout. Vous écoutez Critique de Crowd. Qui? Ben ouais! Ah! Je suis toujours bien heureuse de voir les Breastfeeders. Peut-être un peu moins avec les années parce que... Ah, j'en parle tout de suite parce que je l'ai sur le cœur, Colin. Ah! Moi, c'est un de mes groupes préférés que je vous ai dit. Mes albums que j'écoutais beaucoup ado. Ah, mais ça, les Breastfeeders, là, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Je le disais, ah, c'est un de mes groupes préférés. Je les adore. Et avec les années, ben oui, ils n'ont rien sorti depuis 2011. Fait que dans les derniers spectacles qu'ils ont fait, là, disons, les deux dernières années, oh, des fois, il y avait des petits commentaires. Morose. Off. La nostalgie, non, non, c'était juste morose. C'était comme, ah, on est vieux. Ah, on est vieux. Non, c'était juste des trucs comme, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'album. Ben écoute, écoute, on est là en ce moment, ton spectacle, ça prouve qu'on a encore de l'intérêt pour toi, là. Je veux dire, ne ressasse pas ce que tu ne fais pas ou ce que tu souhaiterais. Moi, ça me... Oui, ça me mettait triste. Je suis comme fan, tu sais, je veux dire, je comprends aussi peut-être ce malaise, mais puis de vouloir le verbaliser à son public, mais j'en tirais rien de bon en tant que spectatrice. En tant que fan, parce que oui, je sais, je l'écoute pas parce que c'est le groupe, justement, qui vient de sortir de quoi cette année et c'est donc bien le gros buzz. Je les aime parce que je les aime. Fait que c'est sûr que ça me faisait, ça me touchait peut-être sûrement plus personnellement. Par contre, la dernière fois, c'était-tu la dernière? L'année dernière, au Tavern Tour, c'était le retour de Sonny Duval parmi les Breastfeeders. Un retour, là, on va mettre ça entre guillemets, là, mettons, là. Je sais pas si c'est un retour officiel, puisqu'il était là pour l'occasion, au Franco, pour le 18e anniversaire des Breastfeeders. Et au Tavern Tour, j'ai beaucoup senti... l'amour, ils serraient dans leurs bras puis on était comme, oh, on est content de te revoir, Sonny. Puis c'était très beau aussi dans la crowd de vivre ce moment-là. Ça a été un petit peu moins émotif au Franco, mais nettement plus amusé. Fait qu'en tant que spectateur, je sais pas pour ceux que ça faisait peut-être longtemps qu'ils avaient pas vu en show, plus ou moins longtemps, mais moi, ça m'a fait extrêmement du bien, là. Ah, c'était... Oui, c'est... J'ai encore envie de dire le qualificatif rafraîchissant. C'est parce qu'il faisait chaud, là. J'avais juste envie de boire de l'eau puis m'hydrater. Mais leur musique m'abreuvait. Ça doit être un peu tout ça. Autrement, ben écoute, le show, c'était un show qui commençait quand même tardivement, 10 heures. On était dans le noir et il y avait quand même, ouais, ouais, très, très bonne foule, assez grosse. Ah, mais qui bouge pas tant, là. Déjà, je spot au centre le gars qui drette que la musique commence. Il a une danse tendance fitness cardio, là. Fait que lui, il a envie d'être exténué à la fin. Ou juste que ses mouvements ont d'une justesse que je trouvais ça pas mécanique, mais je trouvais que ça avait vraiment l'air d'une chorégraphie. Enfin, il était très sympathique à voir. Il était pas inarrêtable. Il prenait des pauses, puis des fois, ça revenait dans le même style. Ça, là-dessus, ça pouvait être quand même assez intéressant. Sinon, le groupe, je veux dire, dès ta première toune, Luc, il était à genoux pour jouer de la guitare. Moi, j'ai bien apprécié aussi comme scéniquement. Je trouve pas qu'on avait perdu des breastfeeders. Peut-être un peu plus calme. J'ai l'impression que mes souvenirs, mettre des exposants dessus. Dans ma tête, déjà, Johnny, il a du poil. Fait que là, il est déjà beaucoup plus propre en dandy, en chemise et en foulard que quand il y avait un côte de poil de bête de scène. Je l'ai trouvé un peu plus en arrière là. Ouais, des autres musiciens. Quoi qu'il a pris plusieurs fois l'avant-scène pour être avec la crowd, même en tirant après l'espèce de drapeau des Franco pour s'étendre le plus près de la foule. Peut-être qu'il joue moins l'homme dangereux. C'est... peut-être qu'il s'est assez écorché dans les autres années pour, prendre ça un peu plus tranquille sur scène. Je pourrais pas vous dire. C'était vraiment juste une perception, même si au final, je dis ça, c'est pas le genre de truc tangible. Comme je peux pas dire, oui, dans la foule, ça sentait là, que les gens le trouvaient plus tranquille ou inversement. Il était là comme on en veut plus. Ben oui, quand il était en avant puis qu'il donne des danses un peu plus lassées, je le trouvais gracieux aussi. Il était plus, c'est peut-être le soude, mais il est plus élégant. Il est plus félin que bestial, genre. Fait que ouais, là-dessus, c'est sûr qu'il va toujours, quand même nous animer, mais autant que Sonny qui vient faire ses solos, puis comme je dis, Luc avec ses interactions, j'ai trouvé très drôle. C'est plus qu'une fois, je l'entends dire comme des trucs un peu plus absurdes, mais très assumés. Fait que ça a l'air, on le sait que c'est faux, mais ça a toujours l'air réaliste, comme quand il nous parle de son 6 ans de stage au Japon, puis ils ont jamais appris la langue, ou quand il présente... Il présente Joe en disant qu'il est genre un habitué des pawn shops, puis que c'est l'inventeur de l'expression « oh, boy ». Ça m'a fait... ça m'a fait beaucoup rire. Tu vois, ça me fait encore rire. Fait que ça marche. Et sinon, dans la foule, ça danse. Le pire, c'est que j'ai entendu une fille, là, à la fin du spectacle, qui était comme... plus que comblée. Elle était comme waouh, vraiment un meilleur spectacle de l'année, puis vraiment heureuse. Mais de là à dire que physiquement, je voyais des gens exaltés, non! C'est peut-être juste là que, mes souvenirs peut-être biaisent mon appréciation. J'avais l'impression que jadis... pourquoi dire jadis? Tu vois, là, c'est moi. Là, c'est le retour de l'ascenseur. C'est moi qui est nostalgique d'une autre époque. Mais il me semble qu'avant, genre, la foule était aussi folle que le band. Tu sais, il y avait vraiment une excitation. Tu sais, ça trashait. Il n'y a pas eu de trash. C'est moi qui l'ai provoqué à la dernière tourne. J'en voulais un, tu sais. J'étais comme, tant pis. Mais il me semble qu'il y en a tout le temps durant les breastfeeders. Il me semble que ça s'énerve plus que ça. Fait que c'est peut-être moi aussi qui est plus sur la même longueur d'onde que la crowd des breastfeeders. Peut-être aussi une question d'occasion. Des gens que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu les breasts parce que quand ils ont fait leur show pour l'anniversaire de l'ESCO, c'était complètement survolté. Puis ça fait pas... Je veux dire, oui, c'est une question d'année, mais ça fait pas si longtemps que ça. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine... variabilité dans la foule des breastfeeders. Oui, c'est sûr que c'est les Franco, ça peut amener un certain type de spectateurs, mais c'était pas juste des curieux, des gens qui connaissaient pas. Là. Il y avait vraiment des fans. Peut-être des fans qui sont un peu moins sorteux parce qu'ils sont en famille. Puis là, il y avait, cette fois-ci, contrairement au nombre, il y avait plus d'enfants, mais peut-être qu'ils ont fait garder, je sais pas. J'essaie de voir pourquoi c'était plus calme que la normale, mais les gens étaient encore une fois un peu pour le nombre. Tu sais, au final, les gens étaient vraiment heureux d'être là. Le Ben, il a annoncé que, oui, encore une fois, tu sais, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de tune, mais il y avait deux nouvelles à sortir pour les Franco, puis ça s'est pas concrétisé, ou presque, parce qu'il y a eu une chanson que personne connaissait. On est tous restés un peu comme, on la connaît-tu? Non, on la connaît pas. Une nouvelle! C'était c'était excitant, mais encore une fois, c'était calme dans la foule, il n'y a pas eu comme un what? Tu sais, il n'y a pas eu de coup de collectif, à part moi qui ziote le téléphone cellulaire d'une fille qui fait un story sur Instagram, puis à marque comme tune que je ne connais pas pendant qu'elle enregistre la vidéo. Fait que ça m'a aussi confirmé, parmi peut-être les 2-3 tunes perdues et mystérieuses qu'on peut retrouver sur les internets des breastfeeders, non, celle-là, c'était vraiment, vraiment une pas connue. Je suis rassurée. Finalement, à la fin du show, énervement. C'est au moment où Luc a dit « C'est un show rock dont vous êtes le héros » et le héros sera bien certainement Johnny Maldoror parce qu'il a décidé de body surfer. C'est un body surf quand même assez hollywoodien, tu sais, il bougeait pas nécessairement. Je trouve qu'il avait l'air d'un oiseau. Tu vois, il est à la fois volatile. C'est un... C'est un volatile. Mais non, mais il est rendu... C'est un oiseau-chat, Johnny Maldoror, maintenant. Fait que bref, ouais, c'était quand même tranquille comme body surf qui avait besoin d'un peu de soutien. Là. On a eu un call de quelqu'un en dessous qui était comme, OK, tu sais, on peut-tu... Aidez-nous! Parce qu'on a bien beau être fort, on peut pas être le seul à le soutenir. Mais il a fait quand même un assez long trajet. Fait que si ça aurait été épuisant pour certaines paires de bras, ça aurait, ils auraient été efficaces et généreux de leur jus de coude. Voyons l'expression, suis du coude. Voyons, l'huile de coude! L'huile de coude! Ben oui, ils ont donné plein d'huile de coude à Johnny Maldoror. Fait que ça aurait été efficace pour une très belle conclusion qui faisait très rock. Un body surf, ça finit toujours bien. Un spectacle. Sur ce, ben là, écoute, on ne peut pas ne pas passer les breastfeeders. Alors, les breastfeeders sur les ondes de CISM. Je te souhaite beaucoup de bonheur, crowd. On se retrouve la semaine prochaine. Au 22 juillet, on quitte la ville. Le Festival international de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Du 28 juin au 7 juillet, des spectacles gratuits tous les soirs. Voyez le grand événement TD avec la révélation canadienne du R&B, Jessie Reyes. Venez danser sur les rythmes de l'auteur-compositrice-interprète d'exception, Stéphane Moraille. Pierre Quenders nous offre son son unique pour une soirée inoubliable et la soirée de clôture Rio Tinto avec le groupe The War on Drugs. Info au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto en association avec La Presse Plus et CISM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine.